Wow. Okie dokie. On fait les check-in qui go moteur. Bubble bubble café tremble la terre. Foot mouna dans banquier qu'on mal fêté. Chaîne fille à dans jumelle et puis la matin. Weekend rivé ça tourne manigance. Plan en les bateaux, madame chaque ambiance. On dans les bounes à capati en tout sens. Weekend rivé la ni bon manigance. Droite, gauche, fesse en fond kaila. Droite, gauche, droite, gauche. En mode manigance, ya. Droite, gauche. Droite, gauche, fesse en fond kaila. Droite, gauche, je suis dans ce cacalaisan. Droite, gauche, en mode manigance, ya. Droite, gauche. Droite, gauche, cacalaisan. Droite, gauche, cacalaisan. Droite, gauche, en mode manigance. Droite, gauche. L'année bon Cyprina, l'année bon Samina. Emilien Calaï et puis Sabrina. Fais sans les cafons dans la cabine. Fais pas ta timide, la panie blablabla. Donc avez autres qu'on lui a dans sa vente. L'année bon fais scafon et combien chèque capon. Papa les drop là ni combien boy cavon. Ça qu'on peut pas grand fini en un carbone. Droite, gauche, fais sans fond Kaila. Droite, gauche. Droite, gauche. En mode manigance, ya. Droite, gauche. Droite, gauche, fesse en fond Kaila. Droite, gauche, opinance cacalaisan. Droite, gauche, en mode manigance, ya. Droite, gauche. Droite, gauche, cacalaisan. Droite, gauche, cacalaisan. Droite, gauche, en mode manigance. Droite, gauche, cacalaisan.